transfiguration. Lorsque la glace sera prise sur les étangs empoisonnés, en ces jours de froidure grise et de soleils emprisonnés, reconnaissant de quelle crise le vent du fil de son rasoir tranche le nœud, tu pourras voir de la fange toute surprise naître la face d'un miroir.